Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Nadia Samut. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles du monde de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast, il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'après 35 ans de collaboration avec le Crédit Coopératif, deux années de mobilisation et une campagne de levée de fonds citoyenne extraordinaire, ça y est, la NEF, elle n'est plus adossée à une autre banque. Et du coup, elle est complètement indépendante et autonome. C'est une étape historique pour la coopérative qui va lui permettre d'élargir son offre de produits, de services, pour mieux répondre aux besoins des citoyens, des citoyennes, des entreprises françaises désireuses de se tourner vers une banque éthique. Aujourd'hui, je suis très heureux de donner la parole à Nadia Samut, qui est chef nourricière, première chef étoilée sans gluten au monde, qui a son camp de base à la Fenière. J'aurais dû te demander comment on le dit, tu me le diras tout à l'heure. C'est un lieu de vie positive au pied du Luberon. Luberon aussi d'ailleurs, on dit. Ensemble, nous parlerons d'ancrage territorial, de retrouver le goût des choses et de faire des contraintes une opportunité. Nadia, la première question que je pose à tous mes invités en début de podcast, c'est imagine tu es dans un endroit où, face à des inconnus qui ne te connaissent pas, ça doit peut-être encore arriver, arrive la question fatidique, toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie Nadia ? Qu'est-ce que tu réponds maintenant ? J'ai envie de dire que j'œuvre de manière positive pour élever les consciences sur l'alimentation. Moi, j'ai lu que tu te présentais, ou on te présentait, peut-être que c'est plutôt ça la réalité, comme chef nourricière, ça te va ça ? Je dis même, j'enlève le mot chef et je suis nourricière, et je suis aussi chef d'orchestre d'un écosystème vertueux et délicieux que j'ai appelé le mouvement Nourrir. Et tout de suite, dans tes trois phrases de présentation, on a entendu positif, on a entendu collectif. On sent vraiment que tu es au service de quelque chose de généreux, de rassembleur. En général, quand on parle d'écologie et quand on parle d'alimentation écologique, c'est plutôt une vision négative. On doit être sans, on doit enlever, on doit réduire, on doit même souvent arrêter. Pourquoi toi, tu as décidé de balayer ça d'un revers de la main et te mettre au service de quelque chose de bon, de beau, de lumineux? Ben, en fait, c'est quelque chose qui m'est tombé assez naturellement. C'est ma vie, en fait, c'est même ma destinée. Moi, je suis née malade cœliaque, intolérante au gluten à la naissance. Vers l'âge de 10 ans, les médecins ont dit à mes parents que j'avais plus rien, un peu comme les allergies de l'enfance qui disparaissent quand on grandit. Là, c'était pas le cas, c'est une maladie auto-immune. Donc moi, j'ai toujours dû faire de ma vie un plaisir, un monde positif où l'imaginaire est essentiel, en fait, parce que déjà, il fallait que je fasse goûter à tout le monde ce que je faisais ou ce qu'on faisait pour moi, au lieu d'être dans le privatif, l'exclusif, l'exclusion et surtout la réduction, en fait. Et pour moi, en fait, je pense que je dis toujours, quand on mange des soba au Japon et qu'on mange des tagliatelles en Italie, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a deux pays, deux envies, et il y a surtout de l'amour et de la générosité derrière. Et en fait, moi, mon monde à moi, il est plein d'amour, plein de visions positives, et je m'inscris finalement dans la roue de cette vie et de cette nature, et je me laisse aller dedans, en fait. Est-ce que tu ressens ça, toi, quand on parle en général communément d'écologie, où on doit dire justement qu'il faut arrêter, qu'il faut réduire, qu'il faut limiter, qu'il faut interdire? Est-ce que tu ressens ça aussi au monde de l'alimentation, que souvent on présente une alimentation plus vertueuse de manière négative, contraignante? Est-ce que... En fait, tout à fait, j'ai l'impression qu'on essaye de passer d'un monde à l'autre et que l'autre monde doit s'obliger à, se contraindre à, etc. Alors que je pense que c'est s'ouvrir des futurs souhaitables et avoir une vision encore plus longue, plus lointaine et se dire, attends, mais comment je peux participer ? Comment je peux œuvrer ? Et surtout, pas que ce soit une contrainte, mais que ce soit un très très grand plaisir de se dire qu'on le fait pour l'humanité, donc avec beaucoup de générosité, parce que ça resserre à tout le monde. Ce que les gens ne savent pas, c'est que justement, moi j'ai eu le plaisir avec quelques dizaines, voire centaines de personnes, en fait il y avait du monde, de partager des tablés gigantesques avec ta nourriture. Et donc on imagine une nourriture comme un repas de famille, des plats à partager, tout le monde pioche dedans, et en fait à aucun moment on se dit mais attends, là c'était une alimentation végétale, c'était une alimentation sans machin, sans truc. On a tous passé un extraordinaire moment. J'ai parlé devant le studio, puisqu'on est au studio de la Radio Grenouille, pour le So Good Festival, 5 minutes avec plein de gens qui s'arrêtaient en disant merci, merci, merci. Et ils n'ont pas dit merci pour ce truc sans. Non, ils ont juste pris du plaisir à vivre ce que tu proposais en fait. Je pense que ce qui est très important dans tout, mais en vrai dans la nourriture, c'est quelque chose de très beau, c'est que l'attention et l'intention positive que l'on met dans le plat, là pour le coup, dans ce déjeuner que nous avons servi avec à peu près 40 nourriciers et nourricières, ce sont les personnes qui m'accompagnent au quotidien pour cuisiner ensemble et pour œuvrer depuis la terre, hein, parce que ben, les agriculteurs et puis même la maraîchère qui travaille à mes côtés dans mon potager était là. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice, tout le monde est venu poser la plante à l'endroit. On a fait une salade de tomates avec une crème de pois chiches qui est écrasée dans notre moulin. Et puis derrière, c'était de la coriandre bolivienne du jardin et puis une fleur de carotte. Donc tout est pensé en fait pour... Au-delà de donner envie ou de dire que c'est une cuisine alternative, ça n'a rien à voir. C'était pour donner une intention positive avec tout ce qu'on avait autour, qui en fait vient nourrir le corps et l'esprit. Au-delà de me dire enfin comment on prononce le lieu dans lequel tu vis et tu travailles, est-ce que tu peux raconter un peu tout cet écosystème dans lequel tu virevoltes, s'il te plaît ? Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis la troisième génération de femmes en cuisine dans ma famille. Ça a commencé par ma grand-mère qui était arrivée de Tunisie à l'époque et d'ailleurs arrivée à Marseille. Et puis ensuite, qui a migré dans le Luberon et qui a créé ce qu'on a appelé la feunière, qui était en fait un grenier à foin et un lieu où on conservait les semences. Et elle avait ouvert ce lieu dans le village de Lourmarin, dans le Luberon, parce qu'on ne dit pas oui, Luberon. La feunière, le Luberon, pardon. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, trois générations plus tard, après ma mère, qui était la première femme chef étoilée en France en 1995, donc mes parents, un couple assez extraordinaire du métier de la gastronomie, mais de celle de l'époque où en fait mettre une nappe sur la table est juste le plus grand des plaisirs parce qu'en fait on a l'amour pour l'autre et ils ont dédié toute leur vie à ça. Et donc ma sœur et moi avons grandi dans une famille de fête de la table, donc j'ai jamais vu ça non plus comme un problème, même si travailler 365 jours par an pendant très longtemps. Et en fait, je suis arrivée là et des années plus tard, mes parents ont acheté un lieu sur la route entre Lourmarin et Cadenet, donc dans deux villages de la ruralité complètement différents. Et j'ai grandi là. Et donc, en fait, c'est un lieu de la campagne. On a 8 hectares avec des oliviers où on fait une production d'huile d'olive. On a également une branche de potager, mais qui est faite pour de l'expérimentation. Et moi, je suis venue prendre la relève au départ. Je suis rentrée en cuisine en disant, moi, je veux rentrer en cuisine pour apporter une vision. J'avais jamais cuisiné, moi j'avais fait des études de biochimie à l'université et j'ai dit j'ai envie de rentrer là pour créer une cuisine du partage, de la vie, de quelque chose qui m'anime, mais il va falloir que je mette le temps en fait de la construire. Et en fait tout mon écosystème s'est construit autour de ça. D'abord parce que je suis une personne qui a besoin de sens dans la vie et d'être très en phase avec mes responsabilités, certainement parce que ma vie m'a amenée à ça aussi personnellement, mais ma maladie, etc. Où j'ai besoin, comme c'est un bonus et que je l'ai bien compris, toujours d'avoir du sens, d'œuvrer pour les autres et de mettre en place en fait des systèmes qui respectent et qui sont soutenables. Et donc je comprends. Vous comprenez bien que la restauration était un métier difficile, qui subit la difficulté aussi de l'emploi, mais parce que le système est vieillissant, enfin plein de choses qui pour moi ne faisaient pas sens. Et je me suis dit d'abord, si tu es nourricière, tu ne seras pas restauratrice. Tu vas créer un écosystème et tu vas inclure la restauration, c'est-à-dire restaurer au sens du 12e siècle du terme, le corps, l'esprit, les gens. Et donc, tu as ce lieu déjà qui est là. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre? Et c'est comme ça que tout mon écosystème est né. Donc, aujourd'hui, j'ai une fabrique de produits de meunerie, boulangerie, pâtisserie, végétale, sans gluten, sans lactose. Mais la meunerie écrase des grains de pois chiches, de riz, de sarrasin, de sorgho, de châtaigne, qui viennent de production locale que j'accompagne dans les lycées agricoles ou dans la région, avec des agriculteurs qui sont engagés aussi. Ensuite, je fais du pain, de la pâtisserie, que je distribue dans toute la France et en Europe aussi maintenant, mais mon but c'est d'essaimer surtout le modèle d'atelier que l'on fait et de former les gens à se révéler au travers de ces micro-ateliers finalement de territoire. Et ensuite, je fais de la formation, donc j'ai créé une académie, puisque transmettre c'est vraiment mon grand sujet, c'est-à-dire que rien ne nous appartient, et à partir du moment où on a cette conscience et puis qu'on en fait une expertise et puis qu'on arrive à repousser nos limites, il faut le transmettre. Donc cette académie, elle permet de former autant des gens qui sont dans l'écosystème sur site, mais que en fait des entreprises, donc je travaille avec de nombreux groupes comme des distributeurs de l'alimentation comme Transgourmet, mais aussi comme le groupe Accor, comme des hôpitaux, comme tout ça. En fait, tout l'écosystème nous permet d'accompagner vraiment ceux qui ont envie de mettre de la conscience dans leurs écosystèmes avec une vraie stratégie long terme. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 8 prochaines années? Et puis après, comment on s'inscrira dans la suite? Donc ça, c'est vraiment mon travail. Ensuite, bien sûr, j'ai ce lieu d'hospitalité où on reçoit, on a des chambres et on a le restaurant, je dirais gastronomique, mais ce restaurant-là, c'est un peu ma vitrine, même ma publication de tout mon travail de recherche permanent. Et à mes côtés, là, pour le coup, j'ai des gens qui peuvent être issus de la cuisine, comme pas du tout, issus de l'ESS, issus du stylisme, et tout ça. Tous ces gens ont envie d'être nourriciers, en fait. Et on a complètement détourné le métier. Et notre travail à nous, c'est l'attention. L'attention dans tout. Et tu formes donc des gens, tu as des ateliers où on peut venir se former à certains sujets en particulier, j'imagine. Tout à fait. On a des séjours, on accompagne, on fait des programmes pour des entreprises aussi. Moi, je fais beaucoup les CEC, les conventions des entreprises pour le climat, et je les accompagne, donc je forme. Et puis à l'issue de ça, les entreprises se demandent comment ils vont faire leur programme, leur feuille de route. Donc on incube aussi et on accompagne. Et puis surtout, on fait des ateliers pour les personnes individuelles, particulières qui viennent, mais j'ai créé un fonds de dotation qui s'appelle Vie, parce que moi j'ai redonné à la vie ce qu'elle m'a donné, donc qui est basé sur l'agriculture, l'alimentation et la santé. Et puis j'ai créé une association qui me permet justement de faire des ateliers, d'aller à l'Institut Paoli Calmette par exemple, de travailler avec les personnes qui subissent des chimiothérapies ou autres. Après on va dans les écoles, puis après on fait... Et donc les nourriciers, tant qu'on les multiplie, tout le monde a envie d'œuvrer. Donc en fait, on est toujours plus et on essaime notre modèle d'œuvrer et puis de donner et puis de donner du sens et de transmettre ces ateliers. Oui. Et de raconter aussi. En allant sur le site de La Fenière, j'ai vu revenir souvent les mots imaginaire, récit. Et ça m'a surpris de les voir là, les mots. Pourquoi ils y sont, ces mots-là? Je crois qu'aujourd'hui... Le récit est fondamental dans ce changement systémique, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'accompagner avec des mots. On est très disruptif, bien évidemment. On ne fait pas partie d'un seul métier ou d'une seule industrie. Nous, on est vraiment multiples. Mais c'est surtout qu'en fait, je trouve que le récit nourrit. Et donc, l'imaginaire nourrit. Moi, par exemple, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, c'est parce que j'avais déjà vécu beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres artistiques, beaucoup de très, très belles choses qui, en permanence, nourrissaient mon esprit et me permettaient de me dire que j'allais m'en sortir, en fait. Et ça, pour moi, c'est un des ingrédients majeurs de mon travail. Parce que quand on ne peut plus manger parce que ça ne va pas, et qu'on a un mal à digérer de fou ou d'autres problématiques, on peut se nourrir d'autres choses. Mais encore faut-il qu'on nous les offre. Et donc pour moi, le récit est fondamental. Il faut même savoir que dans la salle du restaurant, toutes les personnes qui nourrissent, qui cuisinent ou qui fabriquent les boissons ou qui fabriquent d'ailleurs tout, sont en salle et vont raconter. Parce qu'en fait, ce récit est aussi important que l'ingrédient qu'on apporte dans l'assiette. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a été bien compris dans le milieu de la gastronomie française. Parce qu'en général, le grand chef, celui qui reçoit, celui qui incarne, il n'est plus vraiment au fourneau. Il passe en salle, il crée le lien. Il donne de sa présence, il échange quelques mots et même en général, une grande partie de l'expérience culinaire, c'est de se projeter, c'est de s'imaginer autour de cette table avec les gens qu'on aime. Ça fait partie de l'expérience. Si on nous impose d'une certaine manière ou la chance nous donne la possibilité de goûter à tes plats, j'aurais tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, qu'on en profitera moins que si ça fait des mois, parfois peut-être, je sais pas, ta liste de réservation, des années qu'on anticipe. qu'on se projette, qu'on se raconte comment ça va se passer. Et ça, ça fait partie aussi de nous, cette espèce fabulatrice qu'on est, ce trésor du récit. Ben, je pense que c'est effectivement important de susciter l'envie au travers du récit, au travers même d'images. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux que l'on connaît, on a la possibilité de parler et de raconter en photo, en mots. Moi, j'adore écrire, donc voilà, j'écris beaucoup. Le site, je l'écris aussi. En fait, c'est très important pour moi, effectivement, de préparer et de raconter en permanence. Néanmoins, c'est vrai que l'histoire du chef dans sa cuisine et tout ça, moi, en tout cas, je suis chef d'orchestre, donc je me dois, en tout cas, d'être dans tout et d'être présente autant dans l'envie de provoquer la réflexion de mes collaborateurs nourriciers que l'importance de orchestrer. Aujourd'hui, on a orchestré 620 couverts. J'ai orchestré depuis des semaines les choses et tout s'est bien passé comme si on avait eu deux couverts. Parce qu'en fait, on était tous prêts et on ne fait pas de la dentelle au dernier moment. Mmh. Et ça, c'est important. Et donc, le chef, il a la responsabilité d'accompagner, de cadrer, bien sûr, de rendre les choses confortables, de créer et de transmettre. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est l'harmonie. Et moi, en fait, mon grand sujet à moi, c'est l'harmonie. Tout ce qui est disharmonieux est difficile. Mmh. C'est comme en musique, quoi. Voilà. Et on t'a senti dans l'incarnation, parce que t'es venu nous parler de la démarche juste avant le repas, et on avait l'impression que t'étais là pour t'amuser. Je pense que ça aussi, ça a permis de mettre les personnes qui travaillent avec toi dans cette dynamique-là, finalement, de prendre du plaisir avec les gens que vous alliez nourrir. On parle de mots, et tu m'as fait une remarque hors studio tout à l'heure, en me disant que toutes les personnes qui rejoignaient ton équipe, tu leur offrais le même livre. Mmh. Et ça tombe bien, puisque à chaque fois que j'invite quelqu'un en 2030 Glorieux, je leur demande de venir faire un cadeau aux personnes qui nous écoutent, puisqu'on marque toujours une petite parenthèse avant de faire ce qui, moi, m'intéresse le plus, le voyage en 2030 glorieuse, avec un petit passage. Et donc, tu es venu avec le livre que tu offres à tout le monde. Donc, le cadeau est déjà exactement évident. Ben, c'est Jonathan Livingstone, Le Goéland, pour moi, de Richard Bach. Pour moi, c'est un livre d'abord que j'ai toujours à mon chevet, qui m'a beaucoup guidée de manière très simple, avec des mots très simples. D'ailleurs, il est pas très gros, ce livre, mais il est fondamental et essentiel, je trouve, dans l'énergie de ce que les gens doivent ressentir, s'élever pour regarder plus loin, être libre et avoir la chance d'être unique et de le savoir et de pouvoir voler. Moi, chez moi, j'ai beaucoup de zèbres et je suis zèbre aussi, donc on s'entend. Et pour nous, en fait, on a un langage et une compréhension des choses différentes parce qu'on est animé par la perception du vivant en permanence et tout ça peut nous dérouter si on nous fait rentrer dans une case. Et Jonathan, je trouve qu'il incarne parfaitement ça et voilà pourquoi je me permets de l'offrir à tout le monde. Eh bien, génial, on va t'écouter. Prends le temps de retrouver ton passage, on t'écoute. C'était le matin, et l'or d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche, relevant ses filets, invité au petit déjeuner, et son appel transmis dans les airs, attira 1000 goélands, virevoltant et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait ainsi. Mais seul, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingstone, le goéland, s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que sur sa tête, le vent ne fût plus qu'un léger souffle et que là, en bas, sous lui, s'immobilise l'océan. Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration, se concentrant furieusement, il s'efforçait d'incurver ses ailes un peu plus encore. Puis la perte de vitesse ébouriffait ses plumes, il décrochait et tombait. Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs, toute sustentation enfuie, c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingstone, le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrait en frémissant, ralentissant pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingstone, le goéland, n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre, en fait de techniques de vol, que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quêter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, L'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingston, le goéland, aimait par-dessus tout voler. Cette façon d'envisager les choses, il ne devait pas tarder à s'en apercevoir à ses dépens. N'est pas la bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du clan. Ses parents eux-mêmes étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières solitaires à effectuer des centaines de planées à basse altitude et expérimenter toujours. Il se demandait pourquoi, par exemple, lorsqu'il survolait l'eau à une hauteur de la moitié de son envergure, il pouvait demeurer en l'air plus longtemps à moindre effort. Ces planées ne se terminaient pas par l'habituel éclaboussement que provoque sur la mer l'impact des pattes abaissées, mais par un long sillage plat lorsqu'il touchait la surface, pattes escamotées. Quand il se mit, au milieu de la plage, à atterrir sur le ventre, puis à mesurer à pas compter la longueur de sa glissade sur le sable, ses parents furent vraiment plongés dans une véritable consternation. « Mais John, lui demanda sa mère, pourquoi ? Mais pourquoi ? T'est-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté ? Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte aux pélicans et aux albatros ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Maman, cela m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. » Merci Nadia pour cette lecture qu'on a presque terminée à cappella tellement la lecture était longue et en même temps complètement passionnante, donc c'était vraiment fort à propos. Je ne sais pas si pendant cette lecture, toi qui étais très très très concentré sur ton livre, tu as senti cette légère secousse sous ton siège. Ça y est, on est en 2030 glorieuse. Et donc en 2030 glorieuse, même si c'est une conversation qui va nous occuper que nous deux, elle va en fait entraîner en voyage avec nous les milliers de personnes qui vont nous écouter, puisque les 2030 glorieuses, on va les décréter. On va les décréter ensemble, c'est un jeu de l'esprit que j'ai fait déjà avec plus d'une centaine de personnes, parce que nous avons besoin de décider que les 2030 glorieuses sont là pour en réalité revenir au présent et les faire advenir. Tout à fait. Donc, essaye s'il te plaît Nadia, je sais que c'est pas évident de parler de ces 2030 glorieuses au présent. Si tu parles du futur, bah forcément c'est les 2040, 2050 glorieuses, on parlera d'ailleurs de l'assiette en 2040. Si tu utilises le conditionnel, c'est quand même un peu... On fait en sorte d'être vraiment dans la... On décrète, ok? Mm. Et on essaie de donner, et ça tu sais très bien le faire, des couleurs, des textures, des sons, des odeurs, pour que les personnes qui, elles, sont raccrochées simplement au fil de notre voix, puissent imaginer nos 2030 glorieuses. La première question que je te pose, c'est là, on est... Bon, je sais, c'est un peu difficile, dans un studio sans vraiment d'accès à la fenêtre, mais si jamais tu te projetais, peut-être chez toi, peut-être à la fenêtre, en 2030 glorieuses, qu'est-ce que tu verrais immédiatement ? C'est quoi la première image que tu viens, que tu vois, et comment tu peux nous la décrire, cette image, s'il te plaît ? Alors moi, je vois au loin, en fait, j'ai un restaurant au milieu d'une forêt, complètement autonome, un peu comme une serre bioclimatique, avec des fours bien sûr solaires. Je vois un déshydrateur sur le toit, un peu comme j'ai appris à déshydrater dans les années 2000, bien avant, début 2000, à déshydrater les abricots sur les toits en Turquie, en Cappadoce. Donc je vois ces choses-là. Je suis déjà en train de fabriquer mes miseaux dans des grandes cuves, des miseaux de pois chiches, dans des cuves en bois sublimes qui, justement, sont le contour de ce lieu-là. Et bien sûr, les personnes sont en train de se nourrir et en même temps de comprendre tous les gestes qui sont nécessaires à leur quotidien. On avait une, si tu t'en souviens bien, une relation à notre alimentation amour-haine. Très forte à l'époque, en 2024, quand on s'était rencontrés pour la première fois. En 2030 glorieuse, tu peux nous dire le lien à l'alimentation qu'entretient les Françaises, s'il te plaît ? En fait, tout ingrédient est un bel ingrédient, donc tout le monde le cuisine, ou en tout cas le partage, va avoir des origines, bien sûr, à des origines différentes, puisqu'on vit comme ça et on sublime un peu à la manière du kintsugi les différences. Et donc, je trouve que ce qui est très beau aujourd'hui, comme ça, en 2030, c'est ce partage à table, sans exclusion, sans négatif, sans privatif, qu'on a pu avoir par le passé en 2024, parce qu'en fait, il y avait tellement ce besoin d'exprimer la différence plutôt que de la vivre, qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire de pouvoir la partager comme ça, comme des choses délicieuses, vertueuses aussi. En fait, notre responsabilité aujourd'hui, elle est complètement intégrée à notre manière de manger. Il n'y a même pas de question, en fait. Et c'est fou de se rendre compte à quel point l'alimentation, elle nous a permis justement de se réancrer dans cette relation au temps très cyclique. En 2024, encore, je nous ramène à cette période, mais on voyait le temps de manière très linéaire. C'était un point A, un point B, et puis entre, il fallait progresser, s'améliorer. Alors qu'en réalité, notre alimentation, elle nous redit tous les jours, une fois, deux fois, trois fois par jour, que c'est un peu un éternel recommencement. Bien sûr. Et ça nous permet aussi, bah, d'une certaine manière, de nous foutre un peu la paix, et en même temps, de se rendre compte à quel point, bah, tous les jours, on peut se réaméliorer, recréer des liens à notre alimentation, recréer des liens à l'autre. En réalité, c'est presque un mantra, notre alimentation. Non. Oui, complètement. Je crois qu'en fait, on a enfin réussi aujourd'hui à vivre de manière très cohérente. Cuisiner, ça fait partie, non pas du vieux ménage, mais de la beauté de vivre dans ce qu'on appelle des familles, en fait, et des vies de communautés aussi. Donc, le partage, la beauté des ingrédients, le fait que les choses, finalement, préparées, aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, quoi. Donc, les gens cuisine, vrai, hein. Naturellement. On s'est conservé. Au Japon, on parle beaucoup de nagori, la nostalgie du temps qui passe. Donc, c'est-à-dire qu'on a pu cultiver nos tomates et puis maintenant, bah, les conserves, on a tous envie de les faire. Donc, on les fait aujourd'hui. On sait que nos conserves d'été, c'est en septembre sur la tomate. Et puis, on est trop contents de les retrouver. Quoi. La sauce tomate qui a le meilleur goût, on a envie de la partager avec notre voisin. C'est fou parce que quand je disais à l'époque que j'adorais cuisiner et que pour moi cuisiner c'était une manière vraiment d'être dans le temps présent, les gens me regardaient en me disant mais c'était fou, en fait c'est une corvée la cuisine, c'est compliqué, il y en a de partout, il faut suivre une recette, on n'y comprend rien. Et aujourd'hui on est à nouveau là dans ce lien presque primitif au vivant, on se rend compte qu'à travers la cuisine on fait partie du vivant, on est interdépendant, ça nous recrée cette relation permanente. Bah oui, c'est exactement ça, et toutes les entreprises aujourd'hui qui ont intégré cette notion nourricière de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices, ayant envie même que cette cantine d'entreprise soit aussi un lieu de partage. Je pense qu'on a même freiné, enfin aujourd'hui on le voit d'ailleurs dans les chiffres, c'est qu'on a freiné complètement le burn-out parce qu'on a ramené les gens vers le vivant, quoi. C'est une réjouissance quand même de savoir que la nourriture est au-delà du fait qu'elle nourrit, elle régénère, et elle régénère autant le corps que l'esprit, quoi, et le cerveau. Et elle régénère aussi notre fierté d'appartenir à un territoire. Moi, aujourd'hui, en 2030, je suis tellement content de voyager parfois à 10, 20, 30 kilomètres de chez moi parce qu'on a réappris à voir des légumes, des fruits, des traditions différentes. Et encore une fois, il y a une dizaine d'années en arrière, bah, c'est vrai, la cervelle de canut lyonnaise, la bêtise de Cambrai, on avait quelques plats iconiques, mais à peine. Aujourd'hui, c'est jusqu'à les espèces, jusqu'aux couleurs, jusqu'au goût, avec des subtilités incroyables qui nous font voyager parfois même, oui, à quelques heures de marche. Bah en plus, ce qui est encore plus génial, c'est qu'on a révélé des plats et des connaissances de territoire qui ont été créées ces dernières années jusqu'à maintenant parce qu'on a pu planter telle et telle variété, puisqu'on on a bien vu que par les conditions agro-climatiques et puis la réalité actuelle, eh ben on a révélé des nouvelles recettes, puisqu'en fait les recettes étaient nées grâce à nos territoires. Bien donc sûr. Aujourd'hui, ben, on va se retrouver par exemple en Provence à travailler ce pois chiche, à faire du lait de pois chiche, de pouvoir travailler des crèmes pâtissières bien à sûr. Base de pois chiche. La pâtisserie traditionnelle de notre région sud est extraordinaire. On va manger des choux crémeux comme ça, la farine de pois chiche dans tout. Bien sûr. Voilà, donc on est aujourd'hui dans une nouvelle expérience gustative, vertueuse et délicieuse. Extraordinaire. Hein. Et donc, le café qui venait de l'autre bout de la planète, ben, la chicorée, le café de pois chiche, le café de lentilles, et puis toutes les crèmes, ce qu'on avait de vanille, et ben, aujourd'hui avec du panais, avec des choses extraordinaires. En fait, on a rapproché. Ben, je ne dis pas qu'on n'a pas encore de temps en temps un peu de chocolat ou ce genre de choses, mais c'est à nouveau devenu exotique, rare, moins commun. Et du coup, ça redonne aussi toute la valeur aux choses qui sont loin de nous, en réalité. Bien sûr. Ben, en plus, on a une attention particulière. Je veux dire, là, vous parliez de chocolat, mais on peut travailler la caroube. On va avoir ce goût-là, chocolaté, lacté. Et puis, effectivement, le chocolat qui vient de l'autre bout du monde, ben, on a travaillé sa souveraineté alimentaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, au Brésil, par exemple, les communautés travaillent le cacao et le chocolat, mais s'en nourrissent. Et il nous l'envoie de temps en temps à la voile, hein, parce que à l'époque, je me rappelle avoir donné la parole aux personnes de Grain de Sail qui allaient chercher le chocolat à la voile. Et donc, on se l'offre aujourd'hui quand on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un, à son anniversaire, à Noël. Bah forcément, le chocolat, ça fait toujours plaisir. C'est à nouveau un vrai bonheur d'avoir la nourriture comme cadeau et comme lien. On avait beaucoup de défis hein, encore en 2030 glorieuse. Et moi, je trouve que aussi à travers l'alimentation, tu parlais de sécheresse notamment, on a aussi vu à quel point les peuples qu'on voyait comme lointains, parfois hostiles, parce qu'on avait l'impression qu'ils venaient nous piquer, on disait nos emplois, etc., comme au contraire des sachants, puisque aujourd'hui, on a des personnes du monde entier, notamment d'Asie, d'Afrique, qui viennent nous apprendre à cultiver le millet, cultiver le sorgho, cultiver des choses comme ça. Et ça, du coup, c'est une nouvelle dépendance pour nous occidentaux qui fait du bien et qui nous remet un peu d'humilité. Hein. Bien sûr, et puis qui ramène aussi des métiers dans nos ruralités. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ateliers de territoire qui revalorisent la ruralité, alors qu'on avait à cette époque-là un exode rural assez important. Alors que déjà, il y a beaucoup de gens qui préféraient vivre à la campagne que dans des villes. Bien sûr. Et puis, il y a un accès aussi aux choses qu'on n'avait plus. Donc, je trouve que il y a toute cette conversation, je vais dire, nourricière a fait naître des ateliers. On a beaucoup de conserveries ou de traitements des légumes qui nous permettent, par exemple, dans les écoles, même dans la cuisine collective, d'accéder à des choses... Des temps collectifs. Exactement. Intergénérationnel aussi, d'ailleurs, souvent, parce que c'est les anciens qui apprennent à faire comme ça les conserves, etc. C'est fou, hein, on se dit ça, ça paraît si lointain et en fait si évident désormais d'avoir cette relation à notre alimentation. Et à la fois, on sent qu'il y a encore quand même des défis. Toi, ta passion à l'époque, c'était l'assiette de 2040, si je ne dis pas de bêtises. En 2030, Glorious, qu'est-ce qui nous manque pour l'atteindre cette assiette de 2040 ? Il ne nous manque pas grand-chose si ce n'est le recul sur notre travail agricole, en fait. Moi, pourquoi je fixe 2040 ? C'est parce qu'au travers de ces années, j'essaye de partager le goût et les madeleines de Proust, les mémoires gustatives, d'imprimer les cellules positivement des gens sur le futur souhaitable de notre alimentation. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, en agriculture, déjà, c'est la nature qui choisit et c'est absolument pas nous. Enfin. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on plante, là, par exemple, je travaille sur la filière de la pistache où j'ai été invitée, c'était extraordinaire il y a quelques jours. Et en fait, 6 ans pour récolter les premières pistaches. Ah la vache. Donc, le temps est long et en même temps pas long, mais le temps de la nature nous oblige à regarder ça et de créer avec lenteur les choses où là on nous dirait qu'est-ce que c'est la pistache qui vient dans notre pays. Moi qui viens de Grenoble, on voyait quand tout d'un coup il y avait un immense coup de vent qui déracinait les noyers, qu'il en fallait des années pour réavoir des noix. Exactement, donc aujourd'hui pourquoi 2040 ? Parce que pour le recul suffisant sur les filières agricoles de rotation, c'est presque 2 tours à peine de rotation et de recul, donc on n'a pas assez. Donc moi je me suis fixé 2040 pour façonner le goût, pour l'amener, pour ouvrir les esprits, pour donner et sensibiliser. Donc voilà pourquoi j'ai fixé c'est fou, ce temps. Hein, parce qu'en t'entendant, je me disais, l'alimentation, c'est du journalier, c'est du quotidien, c'est du cyclique, c'est dans la mécanique qui revient en permanence et qui nous fait nous dire, si tu t'es raté aujourd'hui, tu y arriveras demain. Et en même temps, ça nous permet aussi de lever la tête, d'aborder le temps long et les questions de solidarité, d'écologie, comme on les appelait à l'époque. Hein, oui. En réalité, elles ont aussi besoin du temps long. Oui, et puis les coopérations. Aujourd'hui, une filière alimentaire, c'est l'amont et l'aval. C'est la semence, c'est la terre, c'est la coopération des gens ensemble, c'est le recul. Et ça, ça prend. Ça prend du temps. Oui, bien sûr. Voilà. Toi, Nadia, c'est la question la plus dure de l'émission. Allons-y. Tu fais quoi en 2030 glorieuse ? En 2030 glorieuse, je continue à cuisiner. Hein. Je suis là toujours à orchestrer aussi, surtout à œuvrer pour les nourriciers, avec les nourriciers en France et dans le monde. Je suis déjà au Japon avec un projet sublime sur des îles et puis sur cette résilience alimentaire. Je trouve que le Japon est un lieu de résilience, donc il m'inspire beaucoup depuis des années, mais cette fois-ci, je suis sur site. Et puis, je développe avec les lycées agricoles de France et de Navarre cette volonté d'inspiration, d'amener l'agriculteur à devenir nourricier responsable et qui fait partie d'une file où il n'est pas seul, en fait. Mmh. On est tous là à œuvrer ensemble. Donc, 2030, on a déjà une soixantaine de moulins posés dans les lycées agricoles et on continue à inspirer. Ouais, tu te souviens, on disait qu'on avait une agriculture conventionnelle et qu'en réalité, on prenait... tout était une ressource. Il y avait quand même dans le vocabulaire quelque chose de très dur, je trouve. Hein. On avait... le mot m'échappe, là, comme ça, mais et des minces. C'était sémantiquement, je trouve que ça disait à quel point, en fait, on voyait la nature comme une étagère sur laquelle on pouvait puiser. Le fait aujourd'hui de se présenter comme nourricier, même chez les agriculteurs, c'est un changement presque philosophique. Hein. Complètement. Bah, en fait, dans tous les métiers dans lesquels on s'est infiltré, finalement, on parle de nourricier, mais même le nutritionniste, diététicien dans les hôpitaux est un nourricier, en fait. Donc, on est tous ensemble dans cette chaîne vertueuse et on essaye d'œuvrer de la même manière, avec la même vibration, pour apporter en fait cette ouverture et finalement cette responsabilité partagée et la conscience. Ouais, le mot m'est revenu, on disait des exploitations agricoles, tu imagines ? Ah voilà, oui. C'était des productions. Un peu loin. Ouais, c'est ça, de la production. Les gens qui nous écoutent, ils se disent, bon, bah, en fait, qu'est-ce qu'on attend là ? Quand on parle des 2030 glorieuses comme ça et qu'eux, on les laisse, les pauvres, en 2024 avec Michel Barnier et compagnie, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on attend pour les faire advenir, ces 2030 glorieuses ? Donc, si jamais tu devais leur donner une action, leur tendre une perche pour les faire continuer vers ces 2030 glorieuses, qu'est-ce que tu leur recommanderais aux personnes qui nous écoutent ? Bah, je leur recommanderais bien sûr de devenir nourricier, c'est-à-dire de s'informer, de se dire d'abord que y a rien qui est impossible, au contraire. On peut voir positivement les choses, il faut les voir positivement, parce qu'en fait, on n'a rien à faire que de les voir négativement. La nature est parfaite, elle continue à avancer. Donc, moi, je leur proposerais tout simplement de continuer à se nourrir de l'information positive, à se rapprocher de nous qui sommes déjà nourriciers et qui faisons des vagues comme ça positives, et puis finalement d'œuvrer à leur mesure. Et je dis toujours que l'engagement, c'est viscéral et c'est pas mental. Donc il faut un coup de cœur pour y aller, une petite lumière, comme dans l'amour. Mmh. On est là pour le partager. Merci Nadia. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !